Bonjour à toutes et à tous. Et c'est encore une grâce pour nous, en toute liberté, en toute paix, que nous puissions encore écouter le sage conseil de Dieu. En principe, ce matin, Bruce et moi, nous devions être peut-être à s'appui de ce que j'avais annoncé le dimanche passé, parce qu'il y avait cette cérémonie de baptême. Il y a eu un imprévu. Ceux qui ont déjà été à s'appui, au moins une fois, ont vu que derrière tout juste l'église, il y a ce barrage. Et avec l'eau qui avait beaucoup baissé, il y avait la possibilité de pouvoir faire le baptême dans une partie qui était assez sécurisée. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de caïmans. Justin rit beaucoup parce que Justin sait de quoi je parle. Donc, c'était ce qui était prévu parce qu'il n'avait pas de baptistère. Et vous saviez qu'il y a eu cette grosse pluie. Donc, c'est venu, tout est rempli. Alors, il n'y avait plus de sécurité possible pour avoir un baptême dans l'eau. Et comme il n'avait pas un baptistère à eux aussi, donc Philippe a dit que c'était mieux, assez sage, de reporter et de trouver une solution convenable. Et la solution convenable, c'est qu'ils vont construire un baptistère. Et là, à tout moment, je crois que ce serait possible. Donc, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu aller et nous avons reporté à plus tard. Continuez à prier pour que Dieu prépare le jour convenable pour que ces frères qui veulent vraiment s'engager et à travers, de façon publique, devant les autres avec le Seigneur, que ce jour soit un jour choisi par Dieu lui-même. Paul a donné des informations, mais il n'a pas tout donné. Vous voyez que la plupart du temps, c'est lui qui aime dire qu'on va manger du riz gras parce qu'un tel va se marier, il y a tel PPS. Quand son tour arrive, il est muet. Et ça, c'est un peu compliqué. Bon, le PPS de Paulin a été projeté pour le 7 avril à Dédougou. Bon, ma bouche, je suis obligé d'être le pasteur et en même temps à le papa, parce que c'est ma fille. Donc, je lui ai dit que moi, ma bouche n'était pas bonne pour dire, mais il a dit non. C'était mieux que le pasteur dise plutôt que ce soit lui. Mais la prochaine fois, je crois qu'on ne va pas le rater. Il y a aussi le frère Michael qui a parlé aussi de son PPS pour ce mois de mars, mais il n'a pas précisé. Et ça sera dans son village. Bon, j'attends qu'il m'informe et qu'il me précise la date. Et comme ce qui a été dit à propos de Djibril, Djibril a exigé que je sois son témoin pour son mariage qui aura lieu le 24 à Koudougou. Bon, je n'ai pas discuté parce que c'est mon fils. Ça, c'est un. Bon, il a encore fait suffisamment de temps avec nous. Et quand quelqu'un vous demande d'être son témoin, cela veut dire qu'il vous fait confiance. Donc, je n'ai pas refusé. Je n'ai pas décliné l'offre, j'ai accepté. Donc, le mariage, c'est... il a envoyé une carte par TSR hier soir. Donc, je n'étais pas tellement sûr qu'en allant ce matin, j'allais trouver cette carte-là. Donc, j'ai proposé qu'on informe. J'aurai la carte aujourd'hui et dimanche prochain, on va l'afficher là. Donc, voilà les informations que j'avais pour compléter ce que Paulin avait un peu omis. Je vous informe également que après les événements, nous avons reçu un message de Pascal et de la sœur Tani du Canada qui disent que vraiment ils ont appris et c'est de tout cœur qu'ils sont avec nous et qu'ils prient aussi pour le Burkina et prient toujours pour que la sécurité soit dans ce pays-là. Donc vous voyez, nos frères qui sont loin pensent toujours à nous et à aussi l'église, le pasteur de l'église de Tani qui a également envoyé un mot pour dire qu'ils sont de tout cœur avec nous. Aujourd'hui, c'est une journée de jeûne et de prière. Et comme je risquais de ne pas être là, j'avais demandé à Graman et à mon épouse, mais comme je devais rester, je leur ai demandé simplement de se préparer pour la prochaine fois. Je vous informe également que le samedi prochain, ça sera la dédicace pour le Nouveau Testament dans la langue Sikité à Kotura. Donc, c'est possible, c'est obligé que le pasteur aille, parce que moi aussi j'ai été un des acteurs, j'ai été chef de projet trois années avant de laisser la place à quelqu'un d'autre. Donc j'allais dire à Grandma de se préparer pour le dimanche prochain. La distance est longue. Ceux qui nous amènent ont dit que ça va être difficile pour eux de nous amener et le samedi qu'on soit là. Donc c'est fort possible qu'on arrive à Ouaga probablement le dimanche. Donc priez pour cette dédicace. Et elle est assez importante parce que je peux dire que c'est le premier, c'est la fin du premier Nouveau Testament que la mission Mennonite avait commencé ici. Ils ont travaillé dans beaucoup de langues et ça c'est la première des langues où nous avons un Nouveau Testament. Celles qui ont travaillé, il y a une qui est aux États-Unis qui doit venir demain pour aller participer à cette fête-là. Ça fait quelque chose de presque une vingtaine d'années de travail. Donc vous voyez, après avoir fait un long trajet comme ça et que vous êtes au bout, vous avez le fruit, ça donne lieu de se réjouir et de permettre à ces nouveaux dans cette zone de pouvoir aussi avoir la parole de Dieu dans leur langue et de pouvoir la comprendre et mieux la comprendre. Ce matin, dans la première partie, je voudrais partager avec vous le thème suivant, l'amitié avec Dieu, l'importance de l'intimité. L'amitié avec Dieu, l'importance de l'intimité. Je crois que chacun de nous a des amis, n'est-ce pas? Et si on vous pose la question, comment commence une amitié? Elle peut commencer de façon anodine. Un jour, je vous ai dit ici, on peut commencer même une amitié après avoir fait une bagarre avec quelqu'un. Un accident, vous êtes tiraillé, vous êtes énervé les uns contre les autres. Mais avec le temps, parce que vous êtes obligé de vous rencontrer tout le temps, vous finissez par être des amis. N'est-ce pas? Donc l'amitié, il y a tellement de choses qui peuvent être le début même d'une amitié. Vous pouvez même, vous êtes assis avec quelqu'un, vous avez dû peut-être dans une cérémonie, vous ne connaissez pas la personne, vous êtes salué et puis c'est le début d'une amitié qui commence, n'est-ce pas? Donc, il y a tellement, je peux dire, il y a tellement d'occasions qui peuvent permettre qu'on soit des amis. Mais, l'importance de l'amitié, il faut qu'il y ait une certaine intimité. Vous avez des amis qui sont des amis pour vous. C'est un peu léger. C'est un ami, vous le connaissez, point. Et c'est fini. Il n'y a pas quelque chose d'intime, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu est pleine également d'amitié. Et la parole de, dans la parole de Dieu même, souvent, des hommes ont été qualifiés d'amis de Dieu. Hein? Vous en connaissez un? Qui on considère comme l'ami de Dieu? Abraham a été considéré comme l'ami de Dieu. Lui, c'est un homme. Dieu, son créateur, en a fait son ami. Et Jésus a dit quoi? Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle des amis. Et il a donné des raisons pour lesquelles il les appelait des amis. Parce qu'il y a une grande différence entre un serviteur, dans les rapports entre un serviteur et son maître, et dans les rapports entre des amis. Et tout au long de son ministère, il y a eu beaucoup d'amis qui sont venus à Jésus. Vous saviez qu'il était un homme populaire. Quelqu'un m'a dit que est-ce que ce monsieur-là, pendant son ministère, s'il voulait créer des églises, combien d'églises il allait créer? Est-ce que ça allait être peu? On allait connaître le nom? Non. Cependant, il n'a pas créé une seule église. Regardez, lui, le maître, lui qui a apporté le salut, lui qui était un homme populaire, lui que beaucoup de foules suivaient pour des raisons diverses, lui qui connaissait tout, il pouvait bien le faire, mais il ne l'a pas fait. Ce matin, nous allons voir deux exemples de deux personnes qui ont lié amitié avec Jésus. Et nous allons voir comment Jésus lui-même a comparé ces deux amitiés-là. Et à la fin, nous allons tirer des leçons. Je voudrais qu'ensemble, nous ouvrons nos Bibles dans Luc au chapitre 7. je vais demander à quelqu'un de lire dans la version du pasteur. Comme tout le monde sait la version du pasteur. Si quelqu'un a cette version-là. Samuel, tu as la version du pasteur? Oui. D'accord. Tu pourras lire Luc 7, du verset 36 au verset 50. Tu es assez grand, tu te lèves et puis tu lis à haute voix. Ok. Luc 7, verset 36. À 50. Un pharisien invita Jésus à prendre un repas avec lui. Jésus se rendit chez cet homme et se mit à table. Il y avait dans cette ville une femme de mauvaise réputation. Lorsqu'elle apprit que Jésus était à table chez le pharisien, elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum et se tint derrière Jésus à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa et répandit le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une femme de mauvaise réputation. Jésus prit la parole et dit au pharisien, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Simon répondit, parle-moi. Et Jésus dit, deux hommes devaient de l'argent à un prêteur. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient le rembourser, il leur fit grâce de leur dette à tous les deux. À tous deux. Lequel des deux l'aimera le plus? Simon lui répondit, je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as raison. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme, je suis entré chez toi, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle m'a lavé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas reçu en m'embrassant, mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds depuis que je suis entré. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je le déclare, le grand amour qu'elle a manifesté pour que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Mais celui à qui on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. Jésus dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table et qui vivent avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui ose même pardonner les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Amen. Va en paix. Si on nous dit cela, je crois que quand on dit à quelqu'un va en paix, réellement la personne doit être très contente. Voici les deux personnes qui ont essayé de lier une amitié avec Jésus. Le premier, c'est ce pharisien. On nous dit qu'il a invité Jésus et ses disciples à manger chez lui. Nous lisons tous la parole de Dieu. Et dans beaucoup de passages des évangiles, vous voyez des oppositions assez difficiles entre Jésus et les pharisiens. Est-ce que ces gens aimaient Jésus? Ce n'est pas sûr. Et Jésus, à plusieurs reprises, s'en prenait à eux à cause du fait qu'ils connaissaient les Écritures, mais souvent ne mettaient pas en pratique ce qu'ils savaient des Écritures. Simon était un pharisien. Simon connaissait la loi et Simon savait ce que les autres, lui étant pharisien, ce que beaucoup d'entre eux pensaient de Jésus. Mais cela n'a pas empêché Simon de vouloir faire de Jésus un ami. Quand on invite quelqu'un à venir chez vous manger, moi je me dis que quand même on s'est préparé, n'est-ce pas? Vous n'invitez pas les gens à venir manger sans vous préparer. Ou bien, demandez aux mamans. Souvent, nous, les papas, bon, nous disons, écoute, tu viens à midi manger. Mais on n'a même pas parlé avec le chef de la cuisine. Et souvent, ça fait beaucoup d'histoires. Ou bien, Baptiste, cela ne t'est jamais arrivé? Oui. Et puis, on dit, mais tu ne m'as pas informé. Et puis, tu ne sais pas. Mais on doit quand même, pour quelqu'un qu'on a invité, on doit se préparer. C'est pas cela? Bon, nous, dans notre manière de regarder, c'était Duto qui était là hier. Et puis, le monsieur, il mange Duto. Et quand on chauffe le tout, on peut bien manger. Mais la cuisinière ne peut pas accepter cela. Elle trouve que ce n'est pas correct. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Donc vous voyez, pour inviter quelqu'un à venir manger chez vous, ça demande qu'on se prépare. Et ce n'était pas Jésus seul. Il invitait Jésus et ses disciples. C'était quand même un bon nombre de personnes. Ça voudrait dire qu'il était sûr de lui-même. Il devait avoir suffisamment de moyens pour que Jésus et ses disciples puissent manger bien chez lui. C'est la raison pour laquelle il l'a invité. À première vue, nous voyons qu'il ne s'adresse pas à Jésus seul. Il regarde à Jésus et tous ceux qui le suivent. C'est important. Moi, je trouve que c'est important, n'est-ce pas? Il pouvait dire à Jésus, toi seul viens. Et puis, bon, les disciples restent dehors. Bon, c'est une manière d'inviter qui ne serait pas bonne. Dans sa culture, il ne pouvait pas faire ça. Jésus avait des disciples, il les a tous invités. Et c'était chez lui. Voilà le premier qui cherchait à lier une certaine amitié avec Jésus. La deuxième personne, nous avons cette femme. Quand nous lisons, est-ce qu'elle était invitée? Dans le texte, elle était invitée? Non. Elle était comme... Elle est venue par intrusion. Elle n'est pas invitée. Et puis, elle se trouve dedans. Regardez. Quelqu'un t'invite. Bon. On va chez lui. Voilà une dame qui n'est pas invitée et qui vient. Et elle aussi, elle se présente. Et ce sont les deux personnes, vous voyez. Regardez la manière dont chacun est allé vers Jésus. L'invité en bonne et douce forme, chez lui. Ça veut dire qu'il s'est bien préparé. Et voilà une dame qui, par intrusion, rentre aussi et puis veut faire de Jésus son ami. Voilà deux personnes. Et tous les deux, dans notre texte, nous ne voyons pas Jésus rejeter quelqu'un. Non. Néanmoins, à travers la pensée de son hôte, Jésus a vu qu'il y avait problème et par sa manière normale et sa manière habituelle d'enseigner des gens, il va utiliser une parabole. Et vous voyez, il expose une situation donnée et à la fin, il se retourne vers son hôte pour demander le point de vue de son hôte. Et puis l'hôte tranche. Il met, dans sa parabole, il met en présence deux personnes qui doivent à quelqu'un. Un doit 50, l'autre doit 500. Regardez la différence. Ça fait comme quelqu'un a un centième et puis l'autre a les 100%. C'est ça? Et il va et pose la question. Si le monsieur dit, c'est bon, je vous remets vos dettes. Ne payez plus. Il pose la question, lequel sera le plus content, lequel va aimer cette manière de faire là. Qu'est-ce que Simon dit? La réponse de Simon, c'était quoi? Simon a dit que c'est celui qui devait donner la plus grosse somme. C'est pas cela? Celui qui devait donner 500, lui, il devait être le plus content et aimer ce geste et cet acte, cette parole de celui à qui il devait. Simon a tranché. Qu'est-ce qu'il a dit à Simon? Tu as bien jugé. Voilà, tu as bien jugé. Vous voyez, c'est de sa bouche que sort la sentence. C'est lui-même qui a dit. Vous comprenez? Et voilà, c'était une manière pour Jésus d'enseigner les gens. Parce que s'il disait à Simon, « Simon, tu vois, cette dame-là a raison de m'aimer plus que toi. » Ça va être difficile à comprendre. Mais la parabole, Simon finit par se rendre compte de quelque chose. Lui qui n'a pas osé ouvrir sa bouche pour dire quelque chose au maître. Mais le maître connaissait déjà ses pensées. Puisque ce que Simon avait pensé, il a dit que si cet homme était un prophète, il allait savoir qui était cette femme. Il n'a pas parlé. Sa bouche ne s'est pas ouverte pour dire quelque chose. Immédiatement de ses pensées, Jésus a sorti cette parabole. Et à travers cette parabole, qu'est-ce que Jésus fait? il fait une comparaison des actes posés par cette femme et de la manière dont elle a réagi et de la manière dont Simon, qui est Lot, a réagi. Allons dans le texte et voyons ce que Jésus dit à Simon à propos de sa réaction. Voici ce que Jésus dit après avoir dit à Simon au verset 43. Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus permis et remis, Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Et maintenant, Jésus se tourna vers la femme et dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. » Dans sa culture juive, Simon était juif, n'est-ce pas? Comme Jésus lui-même. Culturellement, c'est comme vous et moi. On arrive chez quelqu'un, est-ce que d'habitude il commence à parler si on ne lui donne pas à boire? Hein? Il y a des cultures qui sont même terribles plus que ça. Vous arrivez, c'est pas le boire là, ça on vous a donné à boire, mais vous ne pouvez rien dire pour le moment. On prépare et on vient vous donner, vous manger. Après ça maintenant, vous pouvez commencer à parler. La raison pour laquelle vous êtes venu. Vous voyez? Donc, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes pressé? On peut dire ça? Tu arrives, tu dis, bon, en fait, je ne suis... On ne vous a pas entendu d'abord. On vous donne de l'eau, vous buvez. Vous voulez sortir, on dit, pour le moment, on ne peut pas vous écouter. Les dames vont se lever, faire la cuisine. On va vous donner à manger. Et puis maintenant, quand vous avez fini de manger, on a tout rangé, on dit, maintenant, on peut vous écouter. Culturellement, c'est comme ça. Et si vous n'êtes pas prêt à suivre les règles aussi, est-ce que vous pourrez livrer votre message? Vous pourrez? Ce serait comme un manque de respect. Et on ne va pas vous écouter. Mais c'est les Juifs. L'étranger qui rentre, on fait quoi? On lui lave les pieds. Parce que vous savez qu'à l'époque, il n'avait pas de moto et de véhicule comme vous et moi, aujourd'hui. Et ça veut dire qu'on marche, non? Les pieds sont sales. Donc, on commence par laver les pieds. Simon connaissait la culture. Simon était un intellectuel. Simon connaissait la loi. Mais voyez, Simon a invité. Voilà la première règle à laquelle il a dérogé. Il n'a pas invité son invité de marque à laver même ses pieds. Jésus dit, la femme a fait quoi? Elle a lavé les pieds de Jésus, mais d'une façon spéciale. Et les femmes peuvent vous dire que c'est spécial. Regardez leurs cheveux là, touchez à leurs cheveux, vous saurez ce qui va se passer. C'est pas vrai? Je vais leur faire la tête comme ça. Vous pouvez toucher à tout, mais si vous touchez aux cheveux de la femme là, vous allez chercher des amis. Ce que je dis n'est pas vrai, Martine? Si. Elle vous. Mais comment? Vous allez prendre l'âme, vous dites, bon, je vais couper. Comment? Pourquoi? Vous voyez, Martine fait la main maintenant comme ça. Ah! Parce que ça, c'est quelque chose qu'elle ne va pas vous laisser faire comme vous voulez. Allez les voir tout le temps qu'elle passe au salon. Elle peut faire toute la journée, laisser leur tête là, dans la main de quelqu'un qui tourne comme ça. Et je vous dis, souvent quand je m'arrête, je dis, oh Seigneur, heureusement que je ne suis pas une femme parce que je n'ai pas supporté ça. Une journée entière, ta tête là est dans la main, on tourne comme ça, on fait comme ça. Oh! Je n'ai pas cette patience. Je n'allais pas avoir cette patience. Elie, ce que je dis n'est pas vrai? Ce qu'on a fait là, est-ce que c'est une demi-heure? Ça prend du temps. Oui, parce qu'elles tiennent, parce que ça fait partie de leur corps et c'est une partie importante. Cette dame-là a fait quoi? Elle a lavé. Jésus a dit, elle a lavé mes pieds avec ses larmes. Pensez-vous et moi, combien de quantités de larmes il faut pour qu'on lave des pieds? C'est simple. Zara, tu penses que tu peux verser autant de larmes? Elle a pleuré. Et parce que c'est quelque chose qui sortait d'elle-même. Et elle a utilisé ses cheveux, la partie précieuse de son corps, pour laver les pieds de Jésus. Ce n'est pas simplement avec de l'eau pour dire qu'elle a fait quelque chose de plus que ordinaire. Toi, tu ne m'as même pas donné de l'eau parce que les Juifs avaient de grands vases dans lesquels il y avait de l'eau où justement L'étranger pouvait laver les pieds dedans. Il pouvait aller là-bas et laver ses pieds. Lui, il n'a même pas proposé. Mais voilà, cette femme, il a dit, elle a commencé, depuis que je suis rentré, elle le fait, elle a lavé mes pieds avec ses larmes et elle a essuyé avec ses cheveux. Cette femme s'attachait à la personne de Jésus. Ensuite, deuxième chose, qu'est-ce qu'il lui dit? Il continue au verset 45. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Dans la culture juive, ça faisait partie aussi. Donner un baiser à l'étranger là-bas. Vous avez vu qu'est-ce que Judas a fait pour pouvoir indiquer Jésus? C'est pas ce qu'il a fait? Voilà. Ça faisait partie de leur manière aussi, dans leur culture juive. Il est rentré, je peux dire, c'est comme si Simon ne s'est pas intéressé à cela. Mais il dit, voilà, cette dame, depuis qu'elle est rentrée, c'est quoi? Ce n'est pas sur son visage, même, c'est toujours ses pieds. Signe d'humilité. Pour que vous puissiez toucher les pieds de quelqu'un, vous vous baissez, non? Ou bien, voilà cette dame, depuis que je suis rentré, elle ne cesse de faire des baisers sur mes pieds. En troisième lieu, il continue en disant à Simon, tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Verser de l'huile, ça faisait aussi partie de la culture. Ça, c'est la manière dont souvent on mettait l'onction sur les gens. Simon n'a rien fait. Il a dit de l'huile, vous avez entendu, de l'huile, opposée à parfum. Ça veut dire que la femme a fait plus que... Tout ce qu'elle a fait, c'était au-delà de ce qui devait se faire de façon ordinaire. Qui montrait que cette femme avait regardé à la personne de Jésus. Pendant que Simon, c'était comme de façon impersonnelle, je peux dire, il n'a pas tenu compte des détails et Jésus a fait cette comparaison pour montrer le degré d'intimité que les deux personnes ont montré. Bien que ce fût Simon qui était l'auteur de l'invitation, voyez les limites de l'acte des gestes de Simon. Je peux dire, Simon, ce qu'il avait en lui, la motivation de Simon, c'était probablement qu'on sache que lui aussi, il est en bon terme avec ce maître, cet homme qui était un homme qui avait l'autorité, qui enseignait. Tout le monde connaissait qu'il était ce type-là. Je peux dire, si c'est aujourd'hui dans notre monde-là, on dirait, Simon cherchait le nom. Voilà, c'est la renommée. Qu'on dise, voilà, lui aussi, il avait invité ce grand quelqu'un. Mais voilà, Jésus a montré que ce rapport-là manquait d'intimité. Ce n'est pas ce dont il avait besoin. Et vous voyez, à cause de ce que cette femme a fait, Jésus a dit des choses. Il a dit à Simon même, cette dame-là, quand bien même vous la considérez comme une grande pécheresse, ses péchés lui sont pardonnés. Et beaucoup comme Simon étaient étonnés. Et c'est ça qui faisait que les gens disaient, mais quel est cet homme-là qui peut pardonner les péchés? Parce que pour eux, la seule personne qui pouvait pardonner les péchés, c'était qui? C'était Dieu. Mais Jésus était Dieu. Et il a dit à la dame, va en paix. Je vous pose la question. Dans notre texte, on ne nous parle pas qu'ils étaient dans l'église, n'est-ce pas? C'était dans la maison de Simon, non? C'est pas cela? Répondez-moi, c'est dans la maison de Simon? Ok. Mais vous voyez, la plupart du temps, vous et moi, quand nous pensons à faire quelque chose pour Dieu, c'est où? C'est à l'église. Oui, c'est pas cela? C'est à l'église. C'est là, même si je suis un papa assez sévère là, en venant à l'église le matin, il faut que j'aie la mine correcte. Et puis bon, ce jour-là, les enfants là se rendent compte que « Oh, papa est devenu gentil ce matin. » Et bon, quoi? Quelqu'un vient dire que je veux l'argent de Dieu. Discute pas. On enlève, on donne. Mais les jours ordinaires, quand on dit qu'on veut de l'argent pour aller à l'école, écoute, qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est dimanche. Ben, nous, ce que je dis est vrai. Deux fois, bon, tous les jours, on s'habille d'une certaine façon et puis on dit, si je ne m'habille pas correctement, ça, c'est pas bon signe. Hein? Il faut que je m'habille correctement parce que je vais à l'église. C'est ça, non? Aujourd'hui, je vais faire beaucoup attention aux paroles que j'adresse à ma femme parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Est-ce que c'est en ce moment seulement qu'on doit faire attention? Je sais. Je veux que quelqu'un lise dans 1 Corinthiens 10, le verset 31. L'apôtre Paul a très bien compris cela et l'apôtre Paul a posé ce problème-là. 1 Corinthiens 10, 31. Quelqu'un a trouvé? Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Ainsi que vous mangez, que vous buviez et que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout. Même manger là. L'apôtre Paul dit que même en mangeant ou bien en buvant, il faut tout faire pour la gloire de Dieu. Regardez le contexte dans lequel ils étaient. C'était chez Simon, invité pour un repas. Et Jésus rappelle à Simon la mauvaise manière dont Simon, la manière qui, ce qui était comme une, disons, un manque dans l'invitation de Simon. Mais cette femme, ils disent le bien que cette femme a fait. La plupart du temps, nous pensons que c'est à l'église, c'est là qu'on sert Dieu. Non, je vous demande, mes frères, ce n'est pas là seulement que nous servons Dieu. Toute notre vie appartient à Dieu. Et tout ce que nous faisons, nous devons pouvoir le faire pour glorifier Dieu. Et nous ne devons pas oublier cela. Il y a des moments où je pose la question. Est-ce qu'à chaque moment que vous ouvrez la Bible, vous vous rendez compte que vous êtes devant la parole du Dieu puissant et que vous devez réellement sentir sa présence pour la lire? Ou bien vous la lisez simplement comme un livre, comme tout autre livre? C'est pas cela? Regardez souvent quand on prend son portable, là, on fait comme ça, on tire comme ça, on pointe le doigt et puis on s'assoit, on commence à lire. J'ai dit que souvent, quand je regarde, ça n'a pas la même saveur que quand je prends ma Bible comme ça. Et je feuillette les pages et je vois où j'ai marqué des choses. Cette saveur-là est différente de quand on prend le portable, on fait comme ça. Bon, a dit le pasteur, là, il est dépassé. Il est vieux. Oui. Il y a une différence. On m'a dit, on peut même souligner. Je suis d'accord avec vous. Mais quand, même si on vient me proposer une Bible neuve aujourd'hui, il faut prendre l'ancien là, je vais lui demander pardon, il faut garder. Parce que ça, je me retrouve dedans. Il y a des choses que j'ai marquées. Des références, quand j'ouvre, immédiatement ça me rappelle que Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Mais une Bible toute neuve, il n'y a rien de marqué dessus, je vais me perdre. Comprenez? Quand nous allons devant Dieu, est-ce que souvent nous nous rappelons que c'est avec intimité que nous devons lire sa parole? Quand nous chantons, est-ce que c'est simplement, comme on dit, on donne le numéro de la chanson et puis bon, j'entonne parce que je sais chanter. Est-ce que c'est comme ça? Quand nous prions, est-ce que ce sont des paroles seulement qui doivent sortir sans aucune intimité? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. À plusieurs reprises, j'ai déjà rencontré des gens dans la rue, que ce soit sur moto ou sur vélo, qui chantent Le chant là, vous êtes obligé de vous tourner parce que vous voulez ou pas, vous allez entendre quelqu'un, vous allez l'entendre chanter. Et de tout cœur, à la gloire de Dieu. Bon, ça peut sembler bizarre, quand même, c'est pas ici qu'on doit chanter. Mais lui, vous ne savez pas pourquoi il chante. Dieu a dû faire quelque chose de très grand pour lui. Et pour lui là, aujourd'hui, il veut montrer à Dieu, lui aussi, il est reconnaissant. Et il chante à haute voix. Rien que sa voix, c'est comme la voix d'une chorale. Et ça, si vous analysez, vous voyez que c'est quelqu'un qui chante vraiment de tout cœur. Tout le monde vit cette expérience presque tous les jours. Des jours arrivent où vous rentrez au culte, vous chantez, mais vous-même vous êtes convaincu que ce n'est vraiment pas chanté. Il y a des fois, le dirigeant du culte dit, mais écoutez, attendez. Vous chantez, vous louez Dieu ou vous ne voulez pas louer Dieu? Pourquoi il fait ces remarques-là? Parce qu'il peut se rendre compte que, bon, c'est comme les gens ne sont pas dedans. C'est comme s'ils chantent pour chanter. Demandez aux dirigeants, ceux qui dirigent souvent le culte, ils peuvent vous dire, quand les gens chantent vraiment et ils louent Dieu, ils savent ça, ils chantent de tout cœur. Mais s'ils ne chantent pas pour louer Dieu, ils le savent aussi. Et des fois, on fait des remarques. La prière, c'est la même chose. Est-ce qu'on peut se rendre compte que nous devons prier avec intimité? Et quand on prie, même si on n'a pas ouvert la bouche, on sait. Allons dans 1 Samuel. Voyons la maman de Samuel. Cette dame priait au point où l'homme de Dieu, Élie, était même confondu. Et il a même mal jugé. 1 Samuel 1, je lis à partir du verset 9. Je lis dans la version du second. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Regardez l'homme de Dieu. C'est lui qui est éclairé, non? Je pose la question. C'est lui qui devait être éclairé, non? Il a dit... Il pensa qu'elle était ivre. Qu'est-ce qu'il a dit? Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Si vous étiez à la place de Anne, vous allez dire quoi? Qui ne connaît rien ce monsieur-là? C'est pas ça? Vous avez peur souvent de juger ces gens-là. Dites non, on a dit de ne pas le juger. Regardez, cet homme, cette dame qui est dans l'intimité avec Dieu, il ne peut même pas se rendre compte de cela. Parce que ce sont des rapports individuels. Et il lui dit, fais passer ton vin. Qu'est-ce que la dame lui dit? Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Il lui reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. Va en paix. C'est pas la même chose? Jésus n'a pas dit va en paix? Notre texte de Luc 7, c'est pas ce qu'il a dit? Il a dit à la dame, va en paix. Mes frères et mes sœurs, regardez, Dieu veut qu'à tout moment que nous faisons quelque chose, si nous nous adressons à lui, que nous soyons dans l'intimité, comme cette femme pécheresse. Dieu ne veut pas que nos rapports soient comme celui de Simon. Non, mes frères, non, mes sœurs. Il veut que nos rapports soient des rapports pleins d'intimité. Que nous le louons, que ça soit avec intimité. que ce soit sa parole que nous lisons, qu'il y ait de l'intimité là, que ce soit dans la prière, que nous ayons un rapport très intime avec Dieu. Nous sommes dans le besoin. Si quelqu'un, quand vous avez un ami intime, vous pouvez tout lui dire, non? Ou bien, vous dites tout à tous vos amis? Je vous pose la question. Tous vos amis là, vous leur dites tout? Non! À son ami intime là, on n'a même pas besoin de dire, si je te dis, c'est à cause du fait que je te connais. On a besoin de dire ça? Non, si vous dites ça, c'est que ce n'est pas votre ami intime. Si vous l'appelez, il sait. Si vous venez vers lui, il sera prêt à vous écouter parce que c'est, vous êtes son ami intime. Et s'il voit que vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas normal, à cause de cette intimité qu'il y a entre vous, il peut prendre cette responsabilité de vous dire, c'est ce que tu fais, et il ne faut pas continuer. Voilà les rapports qui doivent exister entre nous et Dieu. Je voudrais, Seigneur, je voudrais demander à chacun de vous de vous tenir debout. Nous allons encore prier. Je vous ai dit, ce n'est pas simplement dans l'église, non. En dehors de l'église, notre témoignage, les uns et les autres voient notre témoignage et viennent. Notre frère de lui qui a donné les informations sur l'UGBB, si ces gens, ces élèves qui sont dans ces établissements ou ces étudiants qui sont à l'université, ce n'est pas simplement ce que vous leur dites qu'ils regardent. Ce que vous dites ou lui donner un Nouveau Testament ou autre, non. Souvent, ce qui frappe les gens, c'est notre témoignage. Il a dit des gens ont décidé de se donner comme missionnaire à court terme. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Être prêt à aller dans des conditions difficiles pour faire l'œuvre. Et ça, il faut être convaincu de ce qui est Jésus pour vous et de ce qu'il peut faire pour vous pour accepter de faire des choses de ce genre-là. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec cette conviction ferme comme cette femme pécheresse. Non invitée, elle est venue et ce qu'elle voulait, elle a eu. Elle a mis le prix, n'est-ce pas? Je vous ai posé la question tout de suite. Vous pensez que comment on peut pleurer pour que ces larmes là soient aussi nombreuses pour pouvoir mouiller le pied de quelqu'un? Ça demande beaucoup de choses, non? Ou bien Traman? Nous allons demander à Dieu pour que réellement nous soyons dans l'intimité avec lui. Il y a des fois, nous devons accepter de payer le prix dans tous nos actes quotidiens. Nous allons demander à Dieu de nous donner cette force-là. Ensemble, prions, chacun pour lui-même. Père, je voudrais te dire merci ce matin parce que tu es bon, tu es fidèle, tu es éternel, tu es celui qui nous aide, tu es celui qui nous soutient, tu es celui qui nous fortifie et tu es celui qui, éternel Dieu, nous enseigne. Ce matin, nous avons encore vu combien cette femme pécheresse s'est donnée pour être considérée par Christ pour que son intimité soit vue. Je voudrais te demander cela aussi dans tous mes actes, dans mes paroles, Seigneur. Donne-moi d'être intime. Donne-moi d'avoir des relations intimes avec toi. De ne point, Seigneur, me loin de toi. De chercher toujours à demeurer dans tes voies. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta bonté, ta fidélité, ta grâce, ton amour. Merci pour tout ce que tu as encore fait. Nous ne pouvons pas, éternel Dieu, nous cacher. Nous ne pouvons que te demander cela. Merci, Père. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais encore qu'ensemble, nous élevons la voix pour crier à Dieu, comme Moïse l'a fait à plusieurs reprises dans ces moments difficiles, pour lui demander encore de protéger notre nation. Ce qui s'est passé, nous savons que humainement, personne ne pouvait prévoir cela. Est-ce que notre Dieu n'est pas au courant? Dieu ne peut-il pas nous sauver? Il peut le faire. Peut-être qu'en pensant aux chrétiens qui ne sont qu'une minorité dans le pays, mais la parole de Dieu ne parle pas en termes nombre. Nous qui sommes ses enfants, si nous prions à lui, lui peut encore étendre sa main pour protéger notre nation. Nous allons élever la voix pour lui demander encore cette protection. Prions ensemble. Père, nous te bénissons ce matin. Nous te louons ce matin, Seigneur. Nous t'exaltons ce matin. Nous venons à toi ce matin pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta grâce. Nous te prions pour notre pays. Nous voulons que tu soutiennes. Que Seigneur, tu étends ta main, tu protèges encore l'intérieur comme les frontières de ce pays. Nous demandons cela, Seigneur. Nous te supplions pour que tu agisses. Nous te supplions afin que, Seigneur, dans ta grâce, tu puisses manifester encore ton amour. Épargner des vies des uns et des autres. Nous voulons te demander cela. Agis, conduis, dirige, aide et soutien. Manifeste ta grâce, Seigneur. Élève ton nom. Viens maintenant et soutiens. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Je vais demander à mon ami de lever la voix encore pour remercier Dieu pour l'UGBB, de prier pour que Dieu soutienne encore ce mouvement dans toutes ses activités pour permettre que le plus grand nombre d'étudiants et d'élèves puissent venir dans la bergerie. Tu vas prier pour que Dieu le soutienne. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous.